quand l'homme aura mis de côté des formes qui diminuent son universalité, sa charge, à ce moment-là, l'homme deviendra un créateur. Parce que ça fait partie de l'évolution que l'homme devient un créateur. Mais l'homme ne peut pas devenir un créateur tant qu'il n'est pas dans la vibration de créativité. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Et on va parler comme normal. Une des choses les plus importantes que nous, en tant qu'homme, on doit comprendre, c'est que tout ce qu'on sait n'appartient pas à rien. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense, on sait. Moi, quand je vous dis que la réalité, ça se pense pas. Quand même, j'essaierai de vous faire comprendre. Je ne peux pas vous faire comprendre. Je peux simplement vous transmettre pour vous amener éventuellement à mettre de côté toutes les formes qui vous servent à essayer de comprendre la réalité. La réalité, ça ne se comprend pas. Ça ne se sait pas, ici. Puis quand tu es dans la réalité, tu n'as plus besoin de penser à la réalité. Elle est là, finalement. L'énergie est là, tu s'en sers quand tu as besoin. Dans l'avenir, on va être instruit d'une façon totalement différente. On va être instruit de façon à ce qu'on devienne totalement des êtres centriques. C'est-à-dire des êtres qui ont en eux le pouvoir de se servir de l'énergie d'âme, de la créativité, pour la création, pour l'évolution. Et on a tellement d'émotions dans nos idées, dans notre mental, qu'on a des difficultés à absorber des concepts qui minent ce qui nous a été donné et ce qui nous a été dit dans le passé. Autant les esprits dans le monde, autant les esprits qui sont morts et les incarnés qui sont prisonniers du temps, autant nous autres, on est prisonniers de l'espace. Donc on ne peut pas se fier aux esprits. On ne peut pas se fier aux guides spirituels. Parce que les guides spirituels, même, sont limités dans leur perception. Donc à un certain moment, il y a seulement un niveau d'énergie avec lequel on peut travailler. C'est la conscience pure, la lumière. C'est final. En attendant, on a des vêtements, on a des ailes. Mais c'est passé. Il faut que l'homme en arrive à être totalement sûr, très sûr. La réalisation qu'on n'est pas des gratuits du bon Dieu, c'est très important dans cette direction-là. Parce que tant qu'on pense qu'on est des gratuits du bon Dieu, on pense qu'on a été créé. Puis on n'a pas été créé. Croteau, demande-leur pourquoi est-ce qu'on a été donné le mot créer? Pourquoi est-ce que ça nous a été donné le mot créer? C'est pour nous situer un point de départ. C'est pour donner un point de départ. On n'a pas été créé. Ça, c'est un autre mot. Parce que tout ce que tu penses que tu es dégré, tu penses que tu as un début. Pour ce que tu penses que tu as un début, tu en as un. Mais en réalité, tu n'en as pas. Si tu penses que tu as un début, automatiquement, tu te situes astralement dans le mental de ton intelligence, dans le temps du monde des esprits. Puis la raison pour laquelle on pense qu'on est dégré, c'est parce que la vibration a provenu du monde des esprits. De sorte que je vous dis une chose, vous retirez un jour, vous la comprendrez. Tout ce qu'on sait, ça fait la tête qui vient soit du monde matériel ou du monde religieux. Qui revient, ça fait la tête qui vient du monde religieux. Ça, c'est tout comme ça. C'est ça, vous avez le bout. C'est tout le bout. C'est archivé. Tout vient, toute la connaissance qu'on a, soit qu'elle vient du monde matériel ou qu'elle vient du monde des esprits, elle ne vient pas du monde de la lumière. Elle n'est jamais plus du monde de la lumière. C'est grave. La mort, ça veut dire c'est itinérant ou fort. Créer, c'est itinérant ou fort. C'est ça, c'est qui n'est là ou pas. Moi, je suis supposé d'écrire un livre. Créer, c'est pas un concept. Non. Réel. Non, c'est pas un concept réel. C'est pas vrai. C'est un concept qui est lié au temps. C'est ça. Il est temps, il y a des bouts de ça, puis il part. Moi, je suis supposé d'écrire un livre dans tes années. Puis, apparemment, ça va être un livre maudit. Ah oui, c'est capable. Ça va être capable. Ça va tout, c'est capable. Moi, je suis caché, je vais dire ça. Tout ça, tu nous as pas parlé plus cher, tu m'as dit avant, tu peux pas faire un gazette. Quand je vous parle, accueillez ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas s'attendre que je vous dise un drôle d'activement aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler absolument aujourd'hui. Vous parlez absolument aujourd'hui. Accumulez ce que je vous dis. Quand vous aurez la connexion, vous pourrez revoir, revisiter ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous attacher aux formes de ce que je vous dis. Le savoir, c'est de l'énergie pure et simple, mon cher. Le savoir, ça n'a rien à faire avec les idées. C'est un état de savoir. C'est un puissant état, laisse-moi te dire. Parce que tu peux être seul, tu peux être quand tu es dans le savoir, puis tu peux rien faire, tu es dans le savoir. Tu es raccordé. Quand c'est fait, tu ne te raccordes plus. Ils peuvent te shaker ta buette, tu vois. C'est un état de savoir. Quand je parle, je vous dis des choses, c'est pour changer vos vibrations, pour changer les formes, pour détruire les formes, pour permettre le raccordement entre les autres besoins. Quand ça sera fait, ça vous sert de moi. Il y a la personne qui pourra vous déraccorder après. Quand vous serez raccordé, vous suivez. Pas ça. C'est déjà commencé. J'en ai parti à l'époque comme Dieu est. Bon, on est la même chose. Alors pourquoi on est descendu si bon? Qui s'est descendu si bon? Mais pourquoi on en est venu au stade où on en est, donc on a plus perdu, on est venu. On en est venu au stade où on est rendu parce que le contact de rachetement est coupé. Le rachetement est coupé. À un certain moment, quand on ne peut plus communiquer avec eux autres, c'est ça. C'est à partir de ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là. On avait plus de référents. Quand on avait plus de référents, on n'avait plus de référents. Quand on a commencé à développer la pensée, la pensée, développer des nouveaux points de référence, on est parti d'où? On est parti de la terre. Le monde. Puis ça, on entend, on écoutait que Dieu était supposé avoir contact avec Dieu. On était. Ça rend. Il est rendu. C'est ça. On est coupé parce qu'on devait développer un ego. On devait développer une intelligence humaine. Sans ça, on n'aurait jamais eu l'intelligence humaine. Sans ça, on n'aurait plus jamais la spiritualité éventuellement dans la matière. Parce que pour spiritualité dans la matière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. C'est pas qu'il faut se débarrasser de notre ego. Il faut qu'il devienne clair quand tu parles. Vous pouvez être clair. Quand la consécration, c'est le moment où la structure s'est fait justement l'ego en l'intérieur. L'idée de la création a été donnée à l'homme pour que l'homme ait un concept d'un départ dans le temps. Mais le concept du départ dans le temps a été mis dans l'esprit de l'homme par des forces qui devait suggérer à l'homme des aspects de son développement en relation avec une origine qui prenait part dans son évolution à une autre origine qui prenait part dans son évolution à un autre temps. De sorte que le concept de la création, c'est un concept qui vient d'un autre plan, mais qui ne fait pas partie de la lumière. Vous savez qu'est-ce que c'est la lumière? Ce qu'on appelle le monde de la lumière. Ça, moi, vous en parlez un peu. Mais avant, vous parlez de ça. Avant de parler de n'importe quoi, je vais vous dire une chose. tout ce qu'on sait, c'est possible. Ce qu'on sait. Non, c'est pas. Il n'est pas pour rien. Tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Parce qu'on sait pas. Car tout ce qu'on sait, c'est pas du savoir. C'est de l'interprétation. Alors, ce qu'on sait, c'est de l'interprétation de la vie. Bien qu'une façon de comprendre la réalité, d'être dans la réalité, c'est de savoir. Bien qu'une façon de savoir, ça permet ça que l'autre. Parce que l'autre sont l'origine même de toute la mémoire de tous les temps. Quand on sait, on n'est plus de laisser ça faire. Quand on sait, on n'est plus intéressé à savoir. C'est ça, savoir. C'est dur pour la tranquille. Quand on sait, on n'est plus. Quand on ne sait pas, on est intéressé à savoir. C'est là qu'on absorbe les phares. C'est là qu'on détruit notre savoir. C'est là qu'après un certain âge, on doit mettre l'âge. Fait qu'il y en a là qui sont obligés de vous montrer comment on marche. On marche un petit peu, on marche un petit peu. Là, il y a un petit peu d'énergie qui descend, un petit peu d'énergie qui descend. Puis aussitôt qu'il y a un moindre même contact avec eux autres, là, eux autres commence à travailler avec vous autres. Bon. Fait qu'éventuellement, vous devez plus. Mais il faut que ça commence quelque part, là. Fait qu'elle commence, là. Moi, je vous ai déjà dit que quand, dans mon initiation, dans l'autre, je suis habitué, mais dans ce temps-là, je disais, non, je sais que les d'avoir tout bourré. Je sais que les savants. Je n'ai que les savants. Autrement dit, je n'ai que les savants. Vous avoir des défenses contre des femmes, contre des femmes, contre des femmes, contre des femmes. Puis il disait, c'est à continuer. Aujourd'hui, ça me dérange pas. Dans ce temps-là, tu l'as taillé, taillé. Tu sais, t'es toujours contre les femmes, parce que tu voudrais toujours être comme un homme ordinaire. T'es dégueulé de pouvoir avoir la raison, de pouvoir avoir l'énergie pour répondre, puis répondre, puis répondre, puis répondre. Pour savoir, c'est un quoi, c'est une conscience, conscience, conscience. C'est pour ça que maintenant, je fais, j'ai plus d'énergie à perdre. C'est pour ça que dans les séminaires, dans les rencontres, les gens qui retardent l'évolution de cette connexion-là, je vais y aller, parce que j'ai plus de temps à perdre. J'ai pas de sentiment spirituel. Les gens qui peuvent pas absorber ce que je dis, moi, je dis, attendez plus tard, il y aura d'autres personnes plus tard qui pourront vous expliquer ça. Parce que j'ai plus de temps à perdre. Comment est-ce qu'il y a la scène libérale? On ne doit pas en tant qu'homme s'inquiéter de notre nature humaine. On doit en tant qu'homme se conscientiser à un point tel qu'on ne puisse plus s'inquiéter de notre nature humaine. À ce moment-là, notre nature a changé. Elle s'universalise. Éventuellement, on est prêt à changer de plan. Mais on ne peut pas changer de plan avec l'idée qu'on a. Donc, à peu près. Les gens qui viennent fous parce qu'il y a une scène qui voit des chevaux dans la cuisine, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. S'ils comprendraient qu'il y a une scène. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Comment tu veux qu'on sache ce qui se passe si on n'est pas en contact avec l'autre?